خوشی آمده، جن بادمی. Je lui ai répondu, l'ostana non plus. Il m'a dit, oui mais toi c'est différent parce que tu ne les cherches pas. Alors du coup moi j'ai dit, je vois que t'es pas si con que t'en as l'air pour une fois. À mon chien j'ai dit, tu sais je t'envie. Il m'a répondu, te fous pas de moi non plus. Tu sais très bien que t'es plus libre que moi. Alors du coup moi j'ai dit, tu n'as pas raison, laisse péter, de toute façon tu comprendrais pas. Mon chien m'a dit, quel sens à la vie? Voilà du tac au tac, assis dans la patte. Il m'a dit, ah d'accord, ok, voilà ma patte, je me sens mieux comme ça. Alors moi, j'ai dit, tu vois, tout va bien, la vie est belle pour le bon chien comme toi.